بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس السابع والأربعين بعد المئة 347 لسن قال المؤلف في السؤال الثالث عشر بعد 300 و1000 1313 question ما حكم سب الدهر qu'en est-il d'insulter le temps d'insulter le temps de mal parler sur le temps de critiquer le temps قال هذا حرام والدليل حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار il est dit Allah عز وجل dans le hadith Qudsi متفق عليه que ابن آدم m'offense il insulte le temps et c'est moi le temps car c'est dans mes mains que se trouve le contrôle d'accord je fais tourner la nuit sur le jour c'est à dire que c'est Allah qui contrôle la chose donc en insultant cette chose là ça revient insulter le décret d'Allah عز وجل donc ne pas il faut différencier entre le fait de critiquer le temps et le fait d'informer. Par exemple, quelqu'un, comme on entend souvent les koufars, ils disent « Ma'ouz billah » dit par exemple « ça c'est un temps de chien, c'est un temps de kaza, c'est un temps de kaza, un temps pourri », ce genre de paroles, ça c'est pas permis ça. Ça rentre ta main dans le hadith. Par contre, de dire « aujourd'hui c'est un froid qui est dur, ou une chaleur qui est ardente », ou ce genre de choses, où il pleut beaucoup, où il fait très froid, par exemple, ça c'est une information, ce n'est pas une insulte. Mais à partir du moment où il y a une critique qui vient, une parole mauvaise qui vient par rapport à cela, cela revient à critiquer ce que Allah Azzawajal aura décrété. ثم قال في السؤال الرابع عشر وثلاثمية بعد ألف 1314 question لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف maintenant il dit pourquoi est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم a interdit de lancer des pierres parce que cela ne tue pas le gibier et que cela peut crever un œil et que cela peut casser une dent car les enfants jouent beaucoup cela, jeter des pierres. Déjà fait hadith Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani, قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحظ وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن متفق عليه. Justement que Abdullah ibn Mughaffal, elle a vu son cousin, son proche, en train de lancer des pierres. Il lui a dit, ne fais pas cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire cela. Après, il a donné le hadith. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de lancer des pierres. Car cela ne tue pas le gibier. Que cela ne fait pas fuir l'ennemi. Que cela peut crever un œil à quelqu'un qui prend la pierre ou casser une dent. Pour te dire qu'il n'y a que du mal derrière. Ça n'apporte aucun bien. Il n'y a aucun bien à tirer à lancer des pierres. Et quelques jours après, il a revu encore en train de lancer des pierres. Il lui a dit, « Qultu laka naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an kaza wa kaza wa anta ta'oud » Il dit, je te l'ai dit, tu continues. Là où Kalimouka Abada, je ne te parlerai plus. Il a fait le hajj, il a boycotté pour cela. Il n'a pas boycotté pour le fait qu'il lance des pierres en soi, mais le fait qu'il lui a donné un dalil, un hadith, une chose interdite, claire, et lui continue, il persiste sur la chose. Donc après cela, il a boycotté. Ce maquant là fait soual Khamis Achar. وثلاثمية بعد ألف 1315 question هل يجوز أن تقتل النمل أو غيرها من الحشرات خرقا بالنار est-il permis de tuer des fourmis ou autres par le biais du feu en les brûlant et cela n'est pas permis également عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النار لا يعذب إلا بها إلى الله que personne ne châtie par le feu ce n'est Allah Dans un hadith, c'est venu également « La yu'azib binnar illa rabbun nar » Personne ne châtie par le feu à part le Seigneur du feu. Donc, que ce soit même les animaux ou les toutes choses vivantes, elle n'a pas été tuée par le biais du feu. Ni l'être humain torturé, ni les animaux, ni les insectes. On ne le tue pas par le biais du feu. Cela n'est pas permis. « Souma qala fi souwa al-sadis achar »« Bar salas soumia wa elf » 1316e question. « Elf il khamr dawa » Est-ce que l'alcool contient un remède ? Il dit non, car si Allah a interdit une chose, il n'y a pas mis de guérison. Comme dans le hadith de Alqama ibn Wa'il, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Hadrami, an Tariq ibn Suwaid, al-Ju'fi, sa'ala an Nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-Khamr, fanahahu anhu. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à propos de l'alcool, il l'interdit. Aw karihahu, ou qu'il a détesté. En yasna'a, qu'il soit produit, d'accord, qu'il soit confectionné, qu'il soit fait. Et cet homme-là lui a dit, je le fais juste Inna masnoa l'dawa, je le fais juste pour en faire un remède. D'accord, Allah, inna walaysa bidawa'in walakinahu da'un. Il a dit ce n'est pas un remède, mais c'est un mal. Cet alcool n'est pas un remède, mais un mal, rapporté par Muslim. Et dans une version de hadith, c'était dans le Bukhari, Mu'allaqan, qala inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harama 'alaykum, que Allah n'a pas mis de guérison dans ce qu'il vous a interdit. D'accord, que Allah n'a pas mis de remède dans les choses qui vous ont été rendues interdites. ثم قال في السؤال الثامن عشر وثلاثمائة بعد ألف 1318 question. ما حكم البول في الماء الراكد؟ Qu'en est-il du d'uriner dans de l'eau qui est stagnante? C'est-à-dire c'est une eau qui ne se régénère pas, elle est tout le temps au même endroit. D'accord, comme un lac, une grande flaque ou un étang. D'accord, de l'eau qui, elle, ne se régénère pas, elle reste tout le temps comme elle est. Cela n'est pas permis également, comme dans le hadith d'Abu Huraira, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. Que l'un d'entre vous ne se n'urine pas dans de l'eau qui est stagnante, puis il s'y lave. Apporté par le Bukhari. Et même s'il ne s'y lave pas lui-même, car des gens pourraient dire, moi je ne lave pas dedans, je ne me lave pas dedans. Tu ne laves pas toi dedans, peut-être que quelqu'un d'autre en profitera pour autre chose. Donc ne le fais pas. D'accord, ne le fais pas. ثم قال في السؤال التاسع عشر ثلاثمائة وألف 1319 question. ما حكم الصلاة في الماء؟ Qu'en est-il de gaspiller de l'eau? Cela n'est pas permis car yaqullah azza wa jal wa la tusrifu inna Allah yuhibbul musrifin. Ne gaspillez pas car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Et il a dit également wa kana innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin, et que ceux qui gaspillent sont les frères des shayatin. En sourate Al-Isra verset 26 ou 27. قال في السؤال 20 و 300 و 1000 1300 question. هل يجوز إدارة المال, est-il permis de gaspiller l'argent également? Donc ça n'est pas permis déjà pour les versets cités précédemment. Tout gaspillage est interdit. Et dans le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم عليكم حقوق الأمهات وودو البنات ومنعا وهات وكلها لكم ثلاثا. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Que Allah Azza wa Jal, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a rendu ici trois choses: d'être désobéir aux mères et de tuer les filles à la naissance. Et également, il a rendu trois choses détestables qui sont les qil wa qal, c'est-à-dire les paroles qui ne servent à rien, les ragots, ce genre de choses, de poser trop de questions et de gaspiller l'argent. Mutafkun alayh. Et gaspiller l'argent, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas permis d'acheter des choses qui sont chères, par exemple, ceux qui ont les moyens. C'est-à-dire que ton argent part des choses qui ne servent à rien du tout, qui n'apportent aucune utilité. Maintenant, les gens vont acheter des choses, parfois quelqu'un va dire, mais Akhi, c'est trop cher, pourquoi tu achètes cela? La personne a les moyens d'acheter cela. Et c'est une chose qui lui est utile. Par exemple, une belle voiture, des beaux vêtements, des belles chaussures, par exemple. Pour lui, à son niveau, ce n'est pas du gaspillage. D'accord, s'il ne vient pas, il ne fait pas preuve d'excès. Il y a des choses, c'est vrai que même si tu es riche, tu n'en as pas besoin. Elles ne te servent à rien du tout. Mais tu en as d'autres, des personnes qui ont les moyens, d'accord, on ne peut pas leur dire qu'ils gaspillent. Si cette chose-là leur revient avec une utilité. Tout comme celui qui n'a pas les moyens n'a pas à s'imposer d'acheter ce qu'il n'a pas les moyens d'avoir. D'accord, il n'a pas à s'imposer de faire ce qu'il ne peut endurer. Cela ne lui revient pas. Comme a déjà fait hadith, nous hina an takalluf. Il nous était interdit de nous forcer à faire des choses qui ne nous reviennent pas. ثم قال في السؤال الواحد وعشرين وثلاثمائة وألف 1321 question. هل يجوز الجلوس على القبر ووطؤه وتغطية القبور بالنعال؟ Est-il permis de s'asseoir sur des tombes ou de marcher dessus? D'accord, ou de marcher avec entre les tombes avec des chaussures. Et cela n'est pas permis. Comme dans le hadith d'Abi Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yanjis ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhrisa ila jildihi khayrun lahu min anjisa ala qabrin. Rawahu Muslim. Qu'il est meilleur pour l'entre vous de s'asseoir sur une braise ardente, que celle-ci le brûle jusqu'à toucher sa peau, plutôt que de s'asseoir sur une tombe. Rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith, rapporté par Abu Daoud, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme marcher entre les tombes avec ses sandales en cuir. Il a dit Ya sahib septiatayn, wayhak alki septiatek, fa nazara rajul, fa lama ghalafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khala'ahuma fa rama bihima. Qu'il a dit Ô toi qui as celui qui porte les claquettes, on va dire les sandales plutôt, en cuir, prends garde à toi et enlève-les. Et après l'homme, lorsqu'il a reconnu que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui parlait, il les a enlevés et les a lancés. Donc il n'est pas permis de marcher entre les tombes en étant chaussé. Que ce soit des sandales en cuir ou des chaussures ou des baskets ou quoi que ce soit. Il faut marcher pieds nus en fait. Tant que cela n'a même pas, par exemple, il y a des ronces ou des choses dangereuses, ça c'est autre chose. Car par exemple, ici au Yémen, ils mettent parfois des ronces entre les tombes pour éviter que, par exemple, des chiens viennent pour pouvoir déterrer les tombes et manger les corps. Les animaux sauvages, ils font cela. Donc bien évidemment, si tu vois des ronces pour ce genre de choses, là, c'est une excuse. Sinon, ce n'est pas le cas, il n'y a pas à le faire. Quand on a fait le sani wa ishrin wa salasimia wa alf, 1322e question. Elle t'a dit aux ziyarat el kubur, est-il permis de rendre visite aux tombes, dans les cimetières, d'accord? Et cela est permis quand il s'agit de cela se fait selon la sunna et pour se rappeler de l'au-delà et pour invoquer pour les morts. D'accord ? Invoquer pour les morts. Comme dans le hadith d'Abi Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kuntu nahaytukum an ziyarat al-kubur fazuruha, fa inna tuzakkir bil maut. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vous avais interdit de visiter les tombes auparavant, alors visitez-les maintenant. C'est-à-dire avant c'était interdit, après c'était abrogé. Et dans une version, car cela vous rappelle la mort. Et c'est vrai que cela nous rappelle la mort. Fa'inna tuzakiru al-akhira. Là, c'est dans une version de Tirmidhi. Elle vous rappelle l'au-delà. Souma qala fi su'al. Thalith wa ishrin wa thalathamiya wa alf. 1323e question. Ma zanakul inda ziyaratihim. Qu'est-ce que l'on dit maintenant, ce que l'on visite justement, ces tombes? On dit le dua qui était apporté par le hadith de Bouraïda. Qal, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuhum idha kharaju li maqabir an yaqulu assalamu alaykum ahl al-diyar min al-mu'minin wa al-muslimin fa inna insha'Allah lahiqun as'alallahu lana wa lakum al-afiyah. Rao Muslim. Qu'il est dit, lorsque l'on passe près de ces tombes et qu'on les voit, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur enseigne de dire, de leur passer salam, assalamu alaykum, ou les gens des demeures. Et ça prouve que la tombe est une demeure de pour le défunt. Il dit parmi les musulmans, parmi les croyants. Donc ce salam, il est pour les musulmans et les croyants qui sont morts. Et il a dit, nous serons certes, si Allah le veut, nous allons vous rejoindre. Et là, c'est pas Inch'Allah dans le sens de probabilité, c'est une chose qui est sûre. On va tous mourir. On va tous mourir. Il dit, et je demande à Allah, pour nous ainsi que pour vous, d'être prémunisé ou d'être prémuni, c'est-à-dire contre tout mal, apporté par muslim. Apporté par muslim. Thumma qala fi sura Rabi' wa 20 ba 300 wa 1000 1324e question. Maza na'mal idha marartu wa idha mararna bi qabr kafir. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait si on passe devant la tombe d'un mécréant? On doit lui annoncer le feu. On lui annonce le feu, comme dans le hadith d'Ibn Omar, quand Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Haythuma mararta bi kabri mushrikin fabashirhu bin nar. Qui lui a dit Nabi sallam à Ibn Omar, quand tu passes devant la tombe d'un mécréant, alors annonce-lui le feu. D'accord, tu lui annonces qu'il sera au feu. Wa l'a'azu billah, rapporté par Ibn Majah. Hadha alladhi radna al-yawm, wa lakil bi'ad al-qadr, wa alhamdulillah bil alamin.